chez des roues, des moins dix mal. Devant moi, quand fait dicton, derrière moi, mais c'est pas bon. On peut pas, au point de vous dix mal. Où j'avais si moi, laissez-moi triper, laissez-moi faire affaire. Dis-moi.